Le recueil des œuvres du maréchal Kim Jong-un est paru en Russie. Il contient une vingtaine d'ouvrages comme « Menant à un brillant achèvement l'œuvre révolutionnaire du Tsé » en honorant le grand camarade Kim Jong-il comme secrétaire général éternel de notre parti et « Luttant ferme pour la victoire finale » en portant encore plus haut l'étendard du Sengun. La cérémonie de publication a eu lieu le 7 courant au journal Pravda à Moscou.